C'était Le Tour d'écrou d'Henry James, dans une adaptation de Jean Pavant d'après sa propre traduction, avec Thibaut de Montalembert, Douglas, Marina Moncade, la narratrice, Elsa Dupuis, la gouvernante, Yolande Folliot, Mrs. Grove, Agathe Le Bourdonnec, Flora, et Camille Garcia, Miles. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Ludovic Auger. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Étienne Vallès. Le Tour d'écrou d'Henry James est publié aux éditions Garnier Flammarion. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 2014. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Avant qu'on voulait se tuer, il était désespéré. Avant qu'on voulait se suicider, la mort n'était pas assez douce. Un jour il s'est décidé. Un fantôme voulait se tuer par amour pour Esther. Alors il s'est pendu tout nu, c'est élémentaire. Mais quand d'un coup de pied il s'est débarrassé du tabouret. Désespéré, il a flotté. Facile quand on a un chagrin d'amour et qu'on ne tient à la vie qu'à un fil. Mais les peines de cœur s'effacent et en attendant que celle la passe, le fantôme désespéré du rap essaie de se suicider du rap le fantôme désespéré.